Attends, je vérifie. On a un cardioïde, Pablo. Pablo a oublié qu'on avait un cardioïde. Thank you. Experiment. Jammers with Lily and Pablo. And Ninjammer team. Thank you. Such a pleasure. Hein? Après la répète de Prickel, c'est notre groupe aussi, oui. Thank you. De larmes portaient du cœur. C'est toi et ta part.